Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la communauté italienne de Montréal au temps de Mussolini. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc, il faut dire la vérité historique. La vérité historique est que les paroisses italiennes et, je dirais, de la société québécoise dans son ensemble, regardaient Mussolini d'une manière très positive. Lui, c'était l'homme qui, d'abord, avait défait les communistes, qui avait fait la paix entre l'Église et l'État italienne. C'était un héros latin qui avait aussi une vision économique très séduisante pour le Québec. Filippo Salvatore, l'auteur du livre « Le fascisme et les Italiens à Montréal » à l'émission Dimanche Magazine en mai 1995, du milieu des années 1920 à la fin des années 1930, Benito Mussolini à la cote dans la communauté italienne de Montréal. Il faut dire qu'à cette époque, d'autres voix du Québec se montrent également sympathiques au régime fasciste d'Hitler ou de Mussolini. On n'a qu'à penser à celle d'Adrien Arcan ou de Camillien Houde, par exemple. Comment expliquer cette popularité de Mussolini auprès de la communauté italienne de Montréal dans ces années 20 et 30 et reste-t-il aujourd'hui de cet épisode précis de leur histoire dans la mémoire collective des Italo-Montréalais? Moi, je me souviens que 2 ans avant la guerre, il y avait du cinéma qui se faisait rue Mont-Royal près Papineau, dans un deuxième étage au-dessus d'un magasin. Et ça parlait beaucoup italien, cet endroit-là. Puis on allait au cinéma, puis on aimait bien ça. Et j'ai su un peu plus tard que c'était des réunions, des chemises noires, et qu'on allait voir les films, c'était pour amener du monde. Les gens allaient là et se mettaient à discuter. Puis nous, on ne comprenait pas l'italien, mais on sentait vraiment que l'atmosphère était assez échauffée. Et un bon soir, il y avait une séance de cinéma, puis tout à coup, le jeune italien arrive chez moi, puis il me dit... on n'ira pas ce soir. Et on avait su qu'il y avait eu une descente le soir. Extrait de l'émission La vie quotidienne des Québécois de 1939 à 1945 pour nous parler de cet engouement pour Mussolini dans la communauté italienne de Montréal dans les années 20 et 30. Je reçois Luca Solaï, qui est chargé de cours au département d'histoire de l'Université de Montréal, qui s'intéresse particulièrement à l'Italie et à la France de l'entre-deux-guerres et de l'après-Seconde Guerre mondiale. Luca Solaï, bonjour. Bonjour. Cette récente controverse de cette fresque. Cette fresque est à l'église Notre-Dame de la Défense qui vous a donné envie, Luca Solaï, de nous parler de la communauté italienne de Montréal au temps de Mussolini. C'est vrai qu'à cette époque-là, Mussolini, le Duce, était très, très populaire chez les Italo-Montréalais. Qu'est-ce que ça nous dit, par ailleurs, l'histoire de cette fresque, l'histoire récente, cette controverse autour de la fresque dans laquelle apparaît Mussolini sur cette portion, cet épisode de l'histoire des Italiens de Montréal? Alors, la fresque de Mussolini est à l'intérieur d'une fresque plus large dans l'église de Notre-Dame de la Défense qui est une représentation des accords de Latran. Donc, des accords que Mussolini a signés avec l'église catholique pour terminer la querelle qui durait 50 ans entre l'Italie et l'État du Vatican. Ce qui donne naissance, au fond, vous me corrigerez, mais à la Cité du Vatican comme État, qui donne l'indépendance au Vatican. Absolument. Voilà. La même organisation qu'on a aujourd'hui de l'État du Vatican vient exactement... Et ça règle des tensions qui duraient depuis longtemps entre l'Italie... Oui, depuis 50 ans. Ouais, depuis 50 ans entre l'Italie et l'Église catholique. Et donc, on a clairement, à l'intérieur de cette fresque, la représentation de Mussolini avec les papes, clairement, de l'époque, Pie XI et quatre chefs fascistes. Donc, il y a toujours un débat, on le sait, à l'intérieur de la communauté sur l'opportunité de maintenir ou non cette fresque. Mais cette fresque est très représentative de la situation de l'époque dans la communauté italienne. Ouais. Donc, de l'influence que le fascisme a développée dans la communauté italienne, avec aussi clairement l'appui de l'Église catholique montréalaise. Donc, ce n'est pas un hasard que Mussolini soit sur cette fresque pour 2 raisons. Parce qu'il a d'abord été un artisan de ces accords de Latran, et d'autre part parce que... Et la petite histoire nous dit qu'au fond, c'est les notables, les leaders de la communauté italienne de l'époque à Montréal qui ont insisté, qui ont demandé, qui ont exigé du peintre « Mussolini va être sur ta fresque ». Oui, exactement. Et le peintre Guido Nincheri, en 1931, était obligé clairement à faire apparaître Mussolini dans la fresque sous la menace, selon de retirer les contrats qu'il avait. Parce que, et puis c'est encore une fois, c'est représentatif de l'époque, parce que à ce moment-là, les Italiens de Montréal, en tout cas, il y a pas tous, mais il y a un très, très grand courant de sympathie pour Mussolini. Absolument. De plus, encore plus après la signature des accords de Latran. Une fois que Mussolini, qui avait déjà l'appui en Italie de la monarchie et clairement de la classe industrielle et dirigeante, ajoute à ça l'appui de l'Église catholique, ben, à ce point-là, sa popularité continue d'augmenter. Et aussi, clairement, à Montréal, qui était à l'époque le pôle d'immigration plus grand au Canada des Italiens, et dont l'Église avait un rôle très important dans le premier accueil des nouveaux migrants. Donc l'Église va participer aussi, parce qu'il y a cet accord, entre autres, la paix existe maintenant entre l'État italien et l'État du Vatican. L'Église va participer à ce qu'on ait une image positive de Mussolini. Pourquoi, cela dit, il n'y a pas que ça. Mussolini prend le pouvoir dans les années 20. Pourquoi il est aussi populaire dans les années 20, dans les années 30, à Montréal, Luca Solaï? Parce que Mussolini est capable, depuis le début de son activité politique, de construire les mythes fondateurs de l'Italie, de la patrie italienne, utilisant l'ancien mythe de la Rome impériale, comme on sait. Et c'était un passage très important par rapport aux Italiens à l'étranger, parce que l'Italie, avant l'arrivée de Mussolini, était un pays qui ne partageait un véritable sentiment d'unité nationale. Donc les émigrés faisaient plutôt référence à leur communauté régionale ou même des fois à leur communauté de leur petit village quand ils arrivaient ici à Montréal. Parce que l'unité nationale italienne, elle est relativement récente. Ah oui. Ouais, et donc, c'est des identités régionales très fortes. On est calabrais, on est sicilien. Et ce que vous nous dites, c'est que Mussolini, dans sa vision de cette grandeur de l'Italie, construit cette identité nationale. Participe à ça. Absolument. Ouais. Utilisant le mythe de Rome ancienne, Rome impériale, ouais. Donc il construit cette identité et aussi développe cette vision que l'Italie devait reprendre aussi sa place entre les puissances mondiales de l'époque. Donc donne aussi une certaine fierté par rapport au prestige récupéré de l'Italie, prestige que l'Italie avait perdu après la Première Guerre mondiale, même s'il avait gagné. Ouais. Et puis, vous me corrigerez, mais c'est aussi... c'est un homme charismatique, c'est un beau parleur, c'est un bon orateur. Puis, les Italiens qui sont à Montréal, évidemment, sont des immigrants, sont arrivés il n'y a pas si longtemps encore à ce moment-là. Et ils se reconnaissent dans l'homme. Origine modeste, par exemple. Absolument. Toute sa famille était d'origine modeste. Lui était maître d'école, donc il ne partageait pas clairement l'expérience politique qu'avaient les anciens politiciens italiens. Donc, ouais. Il était plutôt des notables. Cette origine humble, le fait que Mussolini avait développé progressivement sa carrière politique en partant du bas, on dirait, ouais. Donne un certain esprit de proximité avec la communauté italienne de l'époque, qui était, elle aussi, profondément ouvrière. Ouais. Est-ce que ce qu'on vit, ce mouvement de sympathie des Italiens de Montréal, est-ce que c'est vécu ailleurs dans la diaspora italienne? Je pense à New York, mais il y a des Italiens partout, au fond. Est-ce qu'un peu partout, cette diaspora italienne est favorable à Mussolini? Et surtout en Amérique du Nord, ouais. Au Canada, encore plus aux États-Unis, oui, il y a cette perception-là. Aux États-Unis, pour exemple, le facteur principal est aussi pas seulement le fait de se reconnaître dans la patrie et dans Mussolini comme homme humble qui est arrivé à la tête du pays, mais aussi du fait que Mussolini avait été capable d'arrêter clairement la montée de la gauche en Italie. Ouais. Donc les autorités américaines sont très sensibles sur ce sujet-là, parce qu'à l'époque, clairement, les dangers de la gauche communiste aux États-Unis étaient très, très forts. Ouais. Et Mussolini est conscient de la popularité qu'il a en Italie, bien sûr, mais à l'extérieur de l'Italie, dans la diaspora italienne, et il la cultive, cette popularité-là. Il y a toute une stratégie de propagande qui va viser la diaspora italienne. Exactement. Parce que le fait de se reconnaître Mussolini comme figure charismatique est combiné au fait que Mussolini remet les Italiens à l'étranger au centre de son activité politique. Donc, il va effacer complètement le mot « émigré » du vocabulaire italien. Il va appeler les émigrés comme « italiens à l'étranger ». Ouais. Et il met dans son programme au centre qu'il faut avoir le contrôle idéologique de cette partie des Italiens qui sont à l'étranger. Et donc, il met sur place toute une série, clairement, de mesures pour être capable d'exercer cette influence de façon pratique. Ouais. Qui sont, à Montréal, qui sont les principales figures de ce mouvement de sympathie à Mussolini? Bien, c'est, comme on a dit, l'Église catholique avec le père Maltempi est sûrement un des acteurs principaux de le rayonnement des idées fascistes. Il arrive à Montréal en 1931, le père Maltempi, au début était le curé d'appoint de l'église Notre-Dame de la Défense et après, pour son habileté charismatique, devient le curé principal de l'autre église italienne, de Monte du Carmelo. Et donc, il disait, il faisait passer le concept qu'un bon catholique est un bon fasciste. Oui. Et puis, il y aura toute l'élite italo-montréalaise. Il y aura un journal qui va exister, un centre culturel. Ouais, la Casa d'Italia, le centre culturel. C'est, tout ça participe à... Tout ça, la Casa d'Italia va voir la lumière pendant les années plus fortes, pendant les années 30. Donc, il est fondé, développé. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il soit infiltré par les idées fascistes, parce que ce sont les mêmes fascistes qui vont prendre le rôle principal à l'intérieur de l'organisation de la Casa d'Italia. Et de plus, la même chose se passe avec des autres organisations. Pour exemple, l'Ordre des Fils d'Italie, qui devient une organisation qui va propager les idées fascistes. Et aussi le quotidien Italia Nuova, qui progressivement devient un quotidien très, très proche au régime. Et de plus, à l'intérieur de toute la communauté, il y a aussi l'effet que toutes les associations à l'intérieur de la communauté italienne de Montréal deviennent occupées par l'idéologie fasciste. Il y a deux différents types d'associations. Les associations typiquement montréalais, donc de la communauté montréalais, qui vont être progressivement occupées par des exposants fascistes, et aussi des autres associations qui sont faites comme une copie de la même association qu'on avait en Italie. Oui. Par exemple, Dopo Lavoro, qui organisait toutes les activités ludiques après les heures de travail, qui existait en Italie et qui était fondée aussi à Montréal. Oui. Évidemment, ce mouvement de sympathie face aux idées de Mussolini, à ses idées fascistes dans la communauté italienne de Montréal, ça se produit dans un contexte bien précis, les années 20, les années 30. Et pour être bien honnête, il y a au Québec des personnalités publiques connues qui vont aussi, qui ne sont pas italiens, qui vont aussi embrasser ces idées. On écoute le député fédéral Ernest Bertrand. Il fait partie de ces figures publiques qui soutiennent le régime fasciste de Mussolini. Écoutez bien cet extrait-là, c'est très intéressant. Il s'agit d'un enregistrement d'Ernest Bertrand qui a été saisi au consulat d'Italie de Montréal en 1937. Obtenez dans le plus court délai possible des renseignements complets et détaillés sur tous les points de défense les plus vulnérables du Canada, spécialement quant à ce qui concerne les zones maritimes, les champs pétrolifères, les industries de guerre et les usines. Et veillez à faire placer les ouvriers fascistes aux positions stratégiques. Intensifiez votre propagande dans les cercles gouvernementaux, politiques, aristocratiques et journalistiques. Obtenez que notre cause reçoive un maximum de sympathie. Créez et fomentez la discorde par tous les moyens possibles entre les Canadiens français et les Anglo-Saxons. Et pour y arriver, donnez toute l'assistance et l'encouragement possible au fascisme canadien. Je continue. L'opinion publique italienne devra être dirigée par tous les moyens possibles vers la politique du régime fasciste. Il faut faire usage constant de notre presse, encourager les Italiens à écouter chaque jour les programmes radiophoniques d'Italie. Giornale radio, edizione speciale. Trasmettiamo la registrazione del radiomessaggio del Duce nell'anniversario del patto che ha stretto in armi Italia, Germania, Giappone. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est très, très intéressant. Ça ressemble à un plan d'action plutôt réfléchi. Lucas Solaille, et c'est un député fédéral, Ernest Bertrand, qu'on vient d'entendre. Ça m'amène à vous parler de... Au-delà de la sympathie, on est sympathique aux idées de Mussolini. Ce qu'on vient d'entendre de la part d'Ernest Bertrand, c'est vraiment une vision, encore une fois, réfléchie, là, un plan d'action pratiquement pour aider à faire la promotion de ces idées fascistes. Jusqu'où ça va? Ce mouvement de sympathie dans la communauté italienne pour le fascisme de Mussolini. Donc, la sympathie pour le régime fasciste de Mussolini en Italie est assez présente et assez forte. Il ne pouvait pas être autrement, parce qu'on vient d'examiner tous les moyens de pression, tous les moyens de conditionnement idéologique que le régime a déployé ici, oui, à Montréal aussi. Mais par contre, la communauté italienne n'était pas toute la communauté, la grande majorité, activement fasciste. C'était plutôt, il subissait cette influence du régime fasciste. Il n'y a pas de plan pour faire du Canada un pays fasciste, absolument pas. L'influence était une influence culturelle. Oui. Le fascisme devient un modèle culturel parce qu'il était capable de susciter certains sentiments d'appartenance pour les Italiens d'ici à Montréal, mais il ne devient jamais un modèle politique à exporter dans la réalité canadienne. Donc ça, c'est très important à tenir compte. Mais il y a quand même des chemises noires ici. Ils sont nombreux ou pas? Il y a, tout comme on a dit, il y a la mise en place de toute une certaine activité du régime parallèle à ce que le régime faisait en Italie. Oui. Mais il n'avait pas les mêmes bouts, comme on disait. Oui. C'est un partage culturel, mais pas un partage d'un changement politique futur. Est-ce qu'il y a dans cette communauté italienne de l'époque des gens qui combattent ces idées fascistes? Oui, il y a Antonino Spada, par exemple, qui est journaliste, qui essaye de combattre à plusieurs reprises le régime fasciste. Il est un antifasciste convaincu. Il va fonder un journal, Il Risveglio Italiano, ouvertement antifasciste. Il va aussi utiliser une salle à Villemar, la Sala Mazzini, comme point de rencontre pour tous les exposants antifascistes. Et si on regarde dans les archives judiciaires, dans les casellaires judiciaires, qui sont comme les archives du ministère de l'Intérieur pendant la période fasciste, on peut voir qu'à Montréal, il y avait un des centres majeurs d'opposition au fascisme. Ah bon. Au fascisme. C'était pas trop nombreux, mais c'était quand même un point important, un bastion important contre l'idéologie fasciste. Il y a, quand on regarde l'évolution de Mussolini, il y a une différence entre le Mussolini du début des années 20 et le Mussolini même du milieu des années 30, ou le Mussolini qui sera carrément en guerre à partir de 1939-40. À Montréal, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'à un moment donné, cette sympathie pour Mussolini commence à s'estomper? Oui, mais c'est un peu plus, de façon un peu plus tardive que dans le reste de l'Amérique du Nord. Ici, il commence à être très suspecté au Canada de Mussolini à partir de 1935-36, ouais, avec l'invasion de l'Abyssinie par le régime fasciste. Tandis que dans la communauté italienne, il y a un certain décalage. Il commence à s'éloigner à un certain point une partie de la communauté avec l'entrée en guerre de Mussolini en 1940, surtout. Donc, on observe ce décalage quand, ouais, même. Et il faut dire qu'à partir du moment où le Canada est en guerre contre l'Italie en 1940, la communauté italienne de Montréal, une bonne partie de cette communauté-là, et la communauté italienne du Canada, en fait, va payer un cher prix à tout ça. Au nom du gouvernement et du peuple canadien, j'offre à nos concitoyens d'origine italienne nos excuses complètes et entières pour les torts commis envers les leurs pendant la Seconde Guerre mondiale. La sympathie ouvertement affichée, les parades en chemise noire, le fait d'avoir été membre d'un fascio, un faisceau, n'est-ce pas, ça devenait une des raisons pour lesquelles on pouvait être arrêté. Et donc, la Gendarmerie royale du Canada, bon, avait déjà préparé toute une liste de noms, et aussitôt que la guerre a été déclarée, tout de suite, les gens ont été arrêtés. En fait, on a arrêté presque 6 000 personnes. On a libéré tout de suite 5 300 personnes. Et on a gardé 700. Hein. 700 personnes-là sont restées dans des camps d'internement, surtout à Petawawa, où ils étaient la majorité, et à Ontario, et à Fredericton. J'ai un autre exemple, docteur Pancaro, et un autre exemple qui est incroyable. Ils ont même saccagé son bureau. Quand il a été libéré après 3 ans, lui, il ne pouvait plus exercer comme docteur médecin. Un soir, un jeune docteur est allé voir, on a besoin de toi, j'ai une péritonite aiguë, viens m'aider. Alors il est allé avec lui pour le superviser, pour l'aider. À ce moment, le jeune médecin a dit, je ne vais pas l'opérer, vas-y toi. Alors docteur Pancaro, il a dit la prière des chirurgiens, il a dit, Seigneur, guide mes mains, etc. Il a opéré le patient, il a sauvé. Et c'était l'officier de RCMP qui l'avait arrêté. Luciano Pradal, à notre antenne, le 11 novembre 2011. Juste avant, vous entendiez à nouveau l'auteur Filippo Salvatore à l'émission Dimanche Magazine en 1995. Et au tout début de l'extrait, c'est le premier ministre canadien Brian Mulroney que vous entendiez offrir ses excuses à la communauté italienne du Canada en novembre 1990. Qu'est-ce que ça va vouloir dire, Luca Solaï, l'entrée en guerre du Canada contre l'Italie pour la communauté italienne du pays? Pour la communauté italienne du pays, ça va être un gros problème parce que, comme on a dit, la gendarmerie royale du Canada va interner presque 700 citoyens italiens ou italo-canadiens oui. dans les camps d'internement de Petawawa. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'était une suspension arbitraire des droits civils des Italiens à l'époque. La façon dans laquelle la gendarmerie royale du Canada avait pris les informations sur les Italiens était basée normalement sur les déclarations de 3-4 informateurs à l'intérieur de la communauté même pour monter ces dossiers. Oui. Donc, ce n'était pas des dossiers criminels qui étaient prouvés à l'intérieur d'un procès. Donc, on peut comprendre comme pour la communauté italienne, ça c'était un tort, perçu justement ça comme un tort vers leur communauté parce qu'il y a une suspension des droits civils et quand la guerre est terminée, ils n'ont eu aucune conséquence oui. au niveau juridique. Et donc, c'était le gouvernement canadien à l'époque qui a poussé trop loin pendant la période de guerre pour essayer clairement de protéger le Canada. Mais c'était un acte, un certain point, pas justifiable parce que beaucoup de personnes qui étaient internées, c'était comme on a dit, des personnes qui ont seulement subi l'influence du régime fasciste. Oui. Donc, il n'était pas tout le monde qui était interné des fascistes actifs, absolument. Ni une menace directe pour le Canada non plus. Donc, excuse du premier ministre Mulroney. Cela dit, il n'y a pas eu d'excuse officielle avec compensation encore. Oui, on s'attend. Le premier ministre Justin Trudeau, en 2019, avait déclaré qu'il allait le faire, mais la communauté italienne attend encore pour ce passage très important pour essayer de faire un pas au-delà de cette étape de l'histoire très pénible pour la communauté italienne. Luca Solaï, chargé de cours au département d'histoire de l'Université de Montréal, spécialiste de l'Italie, de la France, de l'entre-deux-guerres et de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande, à la technique aujourd'hui Sébastien Eppel. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.